Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM. Voilà, alors j'ai intitulé la retraite selon Macron. Et je reprends, parce que je n'en suis pas l'auteur, je ferai quelques petits commentaires, un texte de l'association Attaque IDF. Et ce texte de dire, comme à son habitude depuis la dernière élection, le gouvernement nous propose, je cite, « une large consultation citoyenne sur un projet de démolition de la retraite par répartition, déjà bouclé dans les moindres détails. » Pour autant, l'initiative est bienvenue. On ne refuse pas le droit de donner son avis, et de notre mobilisation, dit Attaque, dépendra la liberté de manœuvre de Jupiter et de ses technocrates. Or, Jupiter, bien sûr, il s'agit de Macron. Parmi les principes déjà énoncés sur les intentions du gouvernement, il y a l'évolution du système de retraite sous la forme de compte notionnel. C'est subtil, n'est-ce pas? Dont on nous vante les mérites. Nos analystes nous livrent ci-après quelques réflexions utiles sur le sujet. Or, il s'agit bien sûr des analystes de Attaque. Il y a dans le projet soumis à enquête un système de retraite notionnel attractif. Avec une partie de mon salaire, j'achète des points. Plus je travaille, plus j'ai de points à la retraite. Et si je n'en ai pas assez, je travaille juste un peu plus longtemps. Si j'en ai assez, je profite plutôt de ma retraite. En plus, c'est l'égalité. 1 euro de cotisation donne autant de points à n'importe qui et la valeur du point est la même pour tout le monde. C'est à se demander pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Seulement, c'est un peu flou. Et selon une formule devenue célèbre, si c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Excusez-moi, cher loup, hein, pour l'ordre des loups. On ne parle pas de vous, on parle d'un loup, dans le sens figuré. Il y en a même plusieurs des loups. Premier loup, les cotisations dans le système envisagé alimenteront un capital virtuel. Waouh! Quelle belle définition. Strictement individuel, qui vivra ce que vivent les capitaux suivant les lois du marché. Eh oui, ce n'est plus tout à fait de la répartition, hein, c'est bien la capitalisation. Et oui, c'est un système de par capitalisation. Il sera transformé à la retraite en rente viagère en fonction du capital accumulé. Le système par compte notionnel de la Suède a volé un éclat en 2008, avec la crise économique, et il a fallu y augmenter l'âge de la retraite pour maintenir le niveau des pensions. Voilà, la boucle est bouclée. On a eu aussi ce système des retraites avant-guerre, hein, qui a bien sûr, qui n'a pas passé l'épreuve de la Deuxième Guerre mondiale. Et on y revient, parce que il faut alimenter, bien sûr, le système financier. Alors, ce qu'on loue, le traitement des trimestres éventuellement manquants, maladie, chômage. On vous l'a dit, même si ce n'est que partiellement exact, tout euro cotisé vous sera rendu. Tout l'argent cotisé sera à vous. Rien qu'à vous. Le compte est individuel. Où trouvera-t-on l'argent nécessaire pour se protéger contre les aléas du parcours professionnel? Dans une assurance de plus? Ou dans la poche du contribuable? En réalité, c'est la notion de solidarité qui disparaît avec le compte individuel notionnel. Troisième loup, qu'on pourrait dire, et cerise sur le gâteau, c'est un système universel. La valeur du point unique sera fixée par un organisme public en fonction de l'espérance de vie de votre génération au moment de votre retraite. Plus du tout de votre carrière professionnelle qui, dans de nombreux cas, conditionne votre espérance de vie personnelle selon que vous travaillez sur des chantiers ou vous êtes cadre supérieur dans un bureau. Le niveau des retraites deviendra strictement dépendant des décisions gouvernementales comme aux USA où le minimum care public assure juste des conditions de survie. Belle perspective, n'est-ce pas? Conclusion. Ce serait la fin de la prise en compte des conditions de carrière, de la pénibilité ou des contraintes particulières qui justifient les dispositions des différents statuts, publics ou privés, que le néolibéral Macron veut absolument éradiquer. Il faut éradiquer tout système solidaire. C'est logique chez Macron, puisqu'il est pour la politique des riches, de ceux qui dénantis. Il faut drainer l'argent vers les nantis. Et c'est pareil pour les retraites. Remplacer par quoi? Par exemple, si vous en avez les moyens, par une assurance privée. Ah oui, et sinon, par rien. C'est bien le sens de cette réforme. Voilà, c'est la coordination Attaque Île-de-France, donc il y a... j'ai commenté un petit peu quand même le texte, bien entendu, mais c'est vrai qu'on peut craindre le pire dans ce système qui mettrait fin aux répartitions, au système de répartition auquel les Français tenaient tant depuis la dernière guerre. Hein. On sait bien que c'est le seul véritablement qui soit solidaire, qui permette à tous d'avoir une retraite potable. Là, on arriverait véritablement dans une retraite par capitalisation, qui ne veut pas trop dire son nom, c'est notionnel, mais c'est capitalisation, en fait, et qui détruirait l'actuel système de retraite. Voilà, ben, on s'attaque par pan à tout le système qui était mis en place par le gouvernement de la résistance, hein, après-guerre. Et bon, c'est, une fois, c'est l'assurance maladie qui est déjà... par l'intermédiaire de l'hospitalisation, dont on parle beaucoup en ce moment sur Remiremont, mais c'est aussi le système de retraite, et puis bientôt, bien sûr, les allocations familiales vont y passer. Hein. On n'a plus de scrupules à détruire tout le système qu'ont créé nos pères, nos grands-pères. Voilà, il fallait quand même que les choses soient dites, hein, parce qu'on s'attend au pire, on doit s'attendre au pire. Et l'été qui arrive, c'est aussi l'été de tous les dangers dans bien des domaines, puisqu'on est véritablement dans un saccage du social dans nos sociétés, dans notre société française. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée à toutes et à tous. Je vous laisse méditer au cours de cette journée, que je vous souhaite la meilleure possible, bien entendu. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.